Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Au voleur, une série documentaire de Jérôme Sandlars réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a tous ces films qui racontent le casse parfait. Les stéthoscopes sur les coffres-forts, mais aussi la fois où l'on a été cambriolé, celle où l'on s'est fait vider les poches sans s'en apercevoir. Et puis cette question, qu'est-ce qui fait qu'un jour on braque une banque ? Alors pour commencer, les personnages. Un braqueur reconverti, un expert en armement, une mère de 3 enfants qui veut en être, une autre qui ne veut plus avoir un homme dans les pattes, un prisonnier repenti qui a dû ligoter tout le monde et un homme qui a vécu la grande vie. Ensuite, le décor. Les scénarios, un casting, une enfance idéale, de la trompette, les forces spéciales, l'appât du gain, un suicide social, des déguisements du plaisir, des fins de mois difficiles, la banque comme un ennemi, la peur, des caddies remplis, la voix d'Aznavour, des braquages, un sentiment d'impunité, des dabs, des mensonges, l'argent qui brûle les mains et la tentation de recommencer. Aujourd'hui, premier épisode, on est un peu dans un film. Je m'appelle François Trouquins, j'ai 49 ans. Aujourd'hui, je suis auteur et réalisateur de cinéma. Et avant, j'étais, pendant 15 ans, braqueur, spécialisé dans les transports de fonds, donc les attaques de fourgons blindés. Je suis Hélène, une ancienne braqueuse, il y a quelques années. La presse nous avait surnommé les Amazones. Bonjour, je m'appelle Cathy. Mais actuellement, je suis à la recherche d'un emploi. Et puis... Il y a quelques années de ça, j'ai fait partie aussi du gang des Amazones, les filles qui ont braqué des banques dans les années 90. C'est un hold-up, personne ne bouge. Je m'appelle Djalawaji Mohamed. Où là-bas ? Je suis ce qu'on appelle un ancien braqueur. J'étais spécialisé dans l'ouverture des distributeurs automatiques de billets. Braqueur, braqueuse, personne ne bouge. Par Jérôme Sandlars et Anna Schmuck. Est-ce que pour vous, François Trouquins, il y a des points communs entre votre métier d'aujourd'hui, donc scénariste, réalisateur, et votre activité passée de braqueur ? Il y en a une grande, c'est la tension. La tension qu'on a au moment d'un tournage. Et puis vous savez, un braquage, c'est d'abord une idée, un scénario, de la préparation, des repérages, un casting, et puis action. Dans le cinéma, c'est assez similaire. L'avantage du cinéma, c'est qu'on peut recommencer la scène et qu'on ne finit pas en prison. C'est vrai qu'on vous surnommait le Paul Newman du banditisme ? Oui, parce que les journalistes m'ont surnommé comme ça, parce que j'avais une légère ressemblance avec Paul Newman à l'époque. Ce qui m'a valu beaucoup de problèmes, parce qu'à partir du moment où vous êtes une figure du banditisme médiatique, vous attirez vers vous les médias et on vous donne des peines de plus en plus grosses parce que vous agacez quelque part. Je suis sur vous dans 2 minutes, terminé. Tueur, le film de François Trouquins. Alors j'ai un parcours atypique puisqu'en fait moi je suis né dans une famille plutôt d'artistes et en même temps j'ai grandi dans une ferme. Donc j'ai des parents qui ont décidé de se radicaliser dans le bio et qui ont tout quitté pour aller vivre dans une roulotte sur un terrain pour faire de la culture biodynamique. Une famille assez unie, j'ai un père qui est chanteur lyrique également puisqu'il était en plus d'être agronome, il est chanteur lyrique, il a fait une carrière à l'opéra et donc une mère qui est prof. Donc je dirais que j'ai eu une enfance plutôt heureuse et privilégiée. Et c'était assez formidable, puisque quelque part, on vivait en harmonie avec la nature, on était très proche, évidemment, de tous ces éléments. Et puis, il y avait le regard des autres. Et ça, c'était compliqué. La différence entre un gamin qui grandit dans une roulotte habillé avec des pulls en laine bio face à des gamins qui sont habillés avec des marques. Et à l'époque, en tout cas, c'était important d'avoir des marques, les afficher. En arrivant là-bas avec mes pulls qui sentaient le mouton, comme je dis toujours, c'était compliqué de se faire accepter. Moi, par exemple, je n'avais pas le droit à la télé. C'est-à-dire, mes parents avaient décidé d'interdire la télévision. On n'écoutait que de la musique classique à la maison. Donc j'étais interdit d'écouter du rock, je pouvais pas lire de bande dessinée. Donc je ne savais pas ce qu'était Goldorak, je ne connaissais pas les matchs de foot. Et donc j'avais cette différence, je la vivais très mal au fond de moi-même. Quelque part, cette différence, c'est dommage parce que moi, je suis passé à côté. J'ai compris ça aujourd'hui, que c'était une richesse. Et cette richesse-là, en fait, je la refusais peut-être parce que j'étais dans l'indifférence. Et le pire pour un enfant, je pense, c'est de vivre dans l'indifférence. Parce qu'en fait, vivre au milieu de la nature et vivre avec les éléments, et ben, c'est formidable. Sauf que derrière, il y a quand même une société qui vous regarde et qui vit et qui évolue. Et donc, j'avais envie de faire partie de cette autre société. Alors, comment on fait pour vivre dans cette autre société ? Bah, on se rend compte tout de suite qu'on a besoin de moyens. C'est-à-dire, si vous voulez ressembler aux autres, il faut pouvoir s'acheter des Nike, il faut pouvoir s'acheter des Adidas, il faut pouvoir mettre un survêt de marque. Et tout ça, je n'y avais pas droit. Vous êtes allé jusqu'où dans les études ? J'ai fait mon bac, donc, et après j'ai commencé des études de réalisateur et de photographe pour tout abandonner. Parce qu'en fait, je vivais chez mes parents, j'avais pas trop d'argent et je suis rentré à l'armée. Et en me disant, ça va être la porte de sortie. J'étais trompettiste et je travaillais donc pas mal cet instrument. Et j'ai passé le concours pour rentrer à la musique des guides. Sauf que quand j'ai fait mon examen de test physique, j'ai fini premier de ma catégorie et on m'a dit, mais toi tu vas aller aux forces spéciales. Au début, j'ai trouvé ça un petit peu particulier, et puis je me suis dit, mais génial, en fait, c'est du scoutisme et faire du parachutisme, de l'escalade et vivre dans les bois, voilà, comme je le faisais au scout, en fait. Et donc, j'ai trouvé ça formidable, et ça m'a passionné. Et en même temps, c'était un pied de nez aussi à mes parents. Mon père était anti-militariste, donc c'était une manière de lui dire, tu vois, je refuse ce que tu m'enseignes et je vais là où j'ai envie d'aller et j'ai pas besoin de toi, en fait, et voilà. Vous faisiez partie un peu de l'élite des militaires, non, c'est ça, les forces spéciales? Vous oui, saviez manier les armes, vous saviez... Oui, les explosifs, les armes. Donc je suis un expert en armes. J'ai appris à miner, à déminer. Donc toutes ces choses qu'on apprend en général dans les forces spéciales. Donc c'est aussi l'infiltration, apprendre à vivre en clandestinité. Donc les forces spéciales, en fait, on les utilise en général pour les parachuter derrière les lignes et créer du sabotage ou pouvoir faire du renseignement. Et donc j'ai vraiment appris tout ça, et puis on m'a proposé une place dans le privé en tant que garde du corps, et là l'appât du gain, évidemment, c'était l'équivalent de 3000 euros par mois par rapport à une solde de militaire. Franchement, c'était super intéressant, et puis je voyageais, il y avait tout ce rêve de voyager, de vivre une vie d'aventure qui m'intéressait. Ça me permettait aussi de rentrer dans un milieu que je ne connaissais pas. C'est-à-dire les sphères, les hautes sphères, des hôtels de luxe, des voitures de luxe, des restaurants de luxe. Et tout ça m'attirait. C'était un peu comme un magasin de Noël, quoi, où tout brille, tout est beau. Et donc j'ai trouvé cette vie formidable. Et vous étiez censé assurer la protection de qui ? D'hommes politiques et des hommes d'affaires également. Donc en fait, j'ai eu au début plusieurs missions différentes. Et puis j'ai terminé avec un homme d'affaires pendant 2 ans, qui était le patron d'une compagnie aérienne. Et il se fait que ce patron s'est retrouvé en prison pour des malversations. J'ai perdu ma place. Et là a commencé la dégringolade. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé comme responsable de la sécurité dans un hôtel de nuit, toujours par la même société, donc il m'a replacé. Et là, je me suis pris conscience que j'avais peut-être raté ma vie. C'est-à-dire que, au lieu de suivre mes études, de finir mes études de trompettiste et réalisateur, j'avais cédé à la facilité, c'est-à-dire à un salaire immédiat, à un confort de vie. Et donc là, le problème, c'est que je me trouvais dans un entonnoir, c'est-à-dire une voie de garage, c'est-à-dire que je ne pouvais plus faire marche arrière. Si je voulais refaire marche arrière, c'est retourner à l'université, c'est abandonner mon appartement, abandonner ma voiture. Et donc c'était pour moi un peu un choix qui était impossible. Et la seule solution qui s'offrait à moi, c'était, j'appelle ça un suicide social, c'était commettre un braquage et prendre de l'argent pour acheter ma liberté. Et avec cet argent, pouvoir... créer, puisque c'était ça que j'avais vraiment envie, c'était faire de la musique, écrire, réaliser des films. Et donc j'ai cru, cette idée complètement surréaliste, que c'était possible de voler de l'argent et qu'avec cet argent j'allais pouvoir œuvrer. Journal de France Inter, 21 septembre 1996. C'est la loi. Quand on est condamné à des peines qui ne sont pas supérieures à celles purgées en préventive, eh bien on ressort libre du tribunal. C'est le sort qui a été réservé à la plupart des braqueuses du gang dit des Amazones. Il s'agit de ces jeunes femmes accusées de 7 attaques à main armée dans la région d'Avignon. Les peines prononcées par la cour d'assises du Vaucluse sont essentiellement des peines de prison avec sursis, Anne Lordanier. Les jurés ont pris tout leur temps, mais pour 4 des 5 braqueuses, ça valait la peine d'attendre. La détention provisoire couvre les peines infligées, elles sortent libres du tribunal. Et pour Fatia Mahamar, l'organisatrice des hold-up, c'est plus qu'un soulagement. C'est fini, je souffle, je respire, parce que 5 ans, c'est long. J'étais dehors, mais moralement, c'était comme si j'étais dedans, quoi. C'était pire. Sa sœur Malika va pouvoir retourner travailler en Australie. Laurence Foucrier va retrouver son fils et Hélène Trinidad, ses 3 enfants. C'est génial de se retrouver en liberté. On a eu très peur, quoi, mais c'est bon. Je sais pas quoi vous dire, en fait. Je préfère partir et aller voir mes petits. Les jurés ont en fait choisi la réinsertion plutôt que la sanction. L'avocat d'Hélène Trinidad, Maître Billet. C'est un verdict d'espoir. On a rejeté les très sévères accusations et réquisitions de Monsieur le procureur général. Pour certaines d'entre elles, 10 années d'emprisonnement. Je constate que les jurés ont suivi la défense et notamment ont considéré que la réinsertion réussie de ces différentes jeunes filles devait être prise en considération. Avignon, Anne Lordanier, Radio France Vaucluse pour France Inter. Comment ça a démarré toute cette histoire, avant qu'on en arrive à se dire, tiens, on va braquer des banques, les filles? Moi, au tout début, j'avais un emploi, j'avais tout qui allait bien. Et du jour au lendemain, la CAF s'est aperçue qu'elle m'avait trop donné, donc ils m'ont tout coupé. Donc je me suis retrouvée avec quoi, 20 francs par mois de CAF. Et sans pension alimentaire. Sans pension alimentaire, un montant dérisoire, quoi. À l'époque, vous aviez combien d'enfants, Hélène? 3. Et vous les éleviez seuls? Seuls. Et à ce moment-là, Cathy m'a fait part qu'elle comptait faire des banques, mais que je n'étais pas incorporée dedans parce que j'avais des enfants, elle ne me voulait pas. Et je me suis presque disputée avec elle. Et au dernier moment, la fille qui devait le faire s'est dégonflée. Et elle est revenue me chercher, quoi. Et je suis partie, j'étais très contente. Elle voulait aussi rentrer parce qu'elle ne s'en sortait pas avec les enfants. Moi, des fois, qui lui ramenais de la maison du lait, des yaourts, parce qu'il n'y avait plus rien à manger, donc je me suis retrouvée dans cette misère, parce que je peux le dire, hein, pareil, je gagnais quasiment rien par mois, enfin pas grand chose, donc on ne s'en sortait pas. On a fait ça parce qu'on ne s'en sortait pas, et on n'avait pas le choix, on n'avait plus d'argent. Hélène avait 3 enfants, l'autre copine, elle avait un petit garçon aussi, pareil, elle était dans une situation où elle n'avait pas assez de revenus pour s'en sortir, payer tout ce qu'il y a à payer, quoi. Les charges, le loyer. Vous étiez combien au total? 4. 4 filles? Oui. En fait, entre femmes, on est plus solidaires, quoi. On est tant pis pour ces messieurs, mais bon. Et en plus, le truc qui joue en notre faveur, c'est que personne n'aurait imaginé que des femmes soient capables de faire ça, quoi. Et quand on arrive à une situation vraiment de précarité, où on n'a rien, où on n'a qu'une solution pour se débrouiller, c'est ou des banques, ou les stupes, ou le tapin, ben on a choisi les banques. Parce que pour les autres choses, j'aurais jamais eu de courage d'empoisonner des gens ou d'aller faire le trottoir. Ça, je ne pouvais pas. Et puis moi, j'ai dit à Hélène, on va prendre des risques certes, mais on va braquer des banques. Et les banques, à la base, ben pour moi, ce sont des voleurs. Parce qu'ils travaillent avec notre argent, ils nous prennent des agios, ils nous prennent des commissions, ils nous prennent ceci, ils font ce qu'ils veulent avec notre fric. Donc, dans notre état d'esprit, on faisait pas trop de mal. Alors, c'est étonnant parce qu'en général, quand on interroge des braqueurs, ils disent « Mais jamais on prend des filles avec nous, elles ne tiendront pas le coup. » Au contraire. On n'a pas voulu de mecs avec nous. Parce qu'on a été déçus des bonhommes avant, quoi. On a eu une enfance assez chaotique toutes les deux. Moi j'ai eu des compagnons qui n'ont rien assuré du tout. Donc prendre encore un homme avec nous, non, plus de confiance. La veille de braquage, on n'a pas trop fait le sommeil, il n'est pas très là. On gamberge, je vais le faire, je vais pas le faire. Mais il faut le faire, maintenant c'est trop tard. On a tout préparé, on a la voiture, on a volé la voiture la veille, donc il faut le faire. Et puis j'ai fumé des clopes beaucoup pour avoir une voix assez grave, qu'on pense que je suis un mec. Et effectivement, ça a marché parce que j'avais une voix hyper grave, quoi. C'est, ça a très bien marché. Après, il faut très peu parler, il faut pas trop en dire aussi. Donc, juste ce qu'il fallait. Que personne ne bouge, c'est un braquage, ouvrez les caisses. Et on s'est vieilli, beaucoup vieilli. Donc, maquillage, outrance, perruque. Bon, après, j'avais piqué les lunettes à ma soeur, mais il n'y avait pas les verres. Mais bon, ça se voyait pas. Se faire un peu plus costaud, changer sa démarche. Et puis, c'est un petit truc marrant que je vais rajouter. C'est qu'une heure après, moi, pour pas qu'on m'accuse, même pas une heure après, une demi-heure après, je suis allée boire le café au bar en face. Et là, il y avait tous les gens qui disaient « Oh là là, le grand mince, il avait l'air hyper nerveux, chapeau, le braquage, les mecs, trois minutes. » Le grand mince, c'était moi, quoi. Ils nous ont pris vraiment pour des mecs. Et il y avait du plaisir ? Oui, il y avait beaucoup de plaisir. Après, je reconnais que ça ne doit pas être facile à entendre pour quelqu'un qui s'est fait braquer, que oui, on a pris du plaisir à le braquer. Non, je ne dirais pas ça. Bon, du plaisir, moi, quand je braquais, surtout que c'est tout à moi qui parlait. Donc, j'avais pas de salive. La gorge était vraiment sèche, la bouche, il fallait que je boive beaucoup d'eau avant et après. Mais malgré que je buvais beaucoup d'eau, c'était toujours sec. C'est la peur aussi, je pense, que quelqu'un essaye de... Que quelqu'un cherche à se... Ben oui, se débattre, à jouer John Wayne ou quoi, venir sur moi, ça aurait pu arriver. Moi, je voyais que j'allais remplir mon caddie, ça me faisait trop plaisir. Tout plein de sous, là, c'est trop bien. On va faire mes courses, dire à mes enfants, quand on va au champ, ben, allez, prenez ce que vous voulez. Je trouve que c'est merveilleux. Je ne peux pas regretter un truc comme ça. Même si je le voulais parce que j'ai fait du mal autour de moi, ça serait me mentir à moi-même de vous dire le contraire. Ok. Vous bloquez, ouais. Mon front est moite, je tremble un peu. Ma tête éclate, je suis nerveux. J'ai l'impression qu'on me regarde. Et dans la nuit où naît la peur, que des doigts tendus me poignardent au voleur. Rien n'est trop sombre, rien n'est trop sûr. Je me suis combre, je me fais les murs comme un félin. Je me déplace, affamant les objets de valeur. Ma gorge serrée par l'angoisse au voleur. Parce qu'elle aime les fourrures, la vie facile et les plaisirs. Des robes de haute couture que je ne pouvais lui offrir. De peur qu'un jour elle ne me quitte pour trouver tout cela ailleurs. J'ai choisi pour garder son cœur de tenter gros, de jouer vite au voleur. Chaque seconde semble une année, les bruits du monde sont amplifiés au loin. Quand j'étais à l'isolement, moi j'ai. Il y a... L'isolement, il n'y a rien, c'est le silence total. Et Aznavour, il m'aidait par ses paroles, il me donnait la force de ne pas craquer, quoi. Parce que c'était une façon de continuer à vivre que d'écouter Aznavour très fort. Et les surveillants n'acceptaient pas le volume dans lequel j'écoutais Aznavour. Et moi, je m'en foutais. Je me fais interpeller, j'ai 24 ans. Et au bout de 7-8 ans devant la marmée, jusqu'au jour où c'est qu'il y a... Bam, c'est brusque et ça s'arrête et on te remet les pieds sur terre. Parce qu'en fait, tu vis quelque chose de pas normal, en fin de compte. Mais que tu trouves normal. Et c'est une fois que ça s'arrête que tu te rends compte que c'était pas normal ce que tu vivais. Ce que tu faisais, comment tu le faisais, avec qui tu le faisais. Tu dis mais... Ah ouais, quand même. C'est le pouvoir de l'argent. L'argent pousse toutes les portes. Et moi, toutes les portes m'ont été ouvertes. Quelque chose que j'étais pas habitué. Le niveau social augmente. Moi, je sais que j'ai appris énormément de choses en côtoyant des gens que normalement, j'étais pas amené à côtoyer. Des avocats, j'ai côtoyé des présentateurs TV qui étaient pleins de cocaïne et qu'ils s'en foutaient d'être avec un braqueur ou pas un braqueur. Le plus important, c'est qu'ils se sentaient bien et que on avait le même langage, le langage de l'oseille. Ils buvaient, ils faisaient la fête, il y avait des femmes. On était pareil là. Sauf que lui était présentateur TV et que moi j'étais braqueur de banque. De quel milieu vous êtes issu, moi-même? Ben, je suis issu de parents immigrés. J'avais un papa qui travaillait en tant que menuisier. J'avais une maman qui était mère au foyer. Je suis l'aîné de 5 enfants. J'ai grandi à Vitry-sur-Seine, dans la banlieue sud, dans une cité assez difficile. Où c'est qu'on se retrouve un petit peu tous dans le même wagon, quoi. Celui de la débrouille, celui de la... On va essayer de s'en sortir tous ensemble. Vous savez, on ne pouvait pas se permettre de demander à nos parents de nous offrir ou de nous acheter certaines choses. Même banal à cet âge-là, aller à la piscine, toutes ces choses-là, ben, on ne peut pas. Et moi, Vitry, ben Vitry, le 94, c'est assez quand même connu pour les vols à main armée. Vous savez, le vol à main armée, c'est un peu la délinquance du pauvre. Parce que il n'y a qu'une arme à prendre et pousser la porte d'une agence bancaire. Moi, je me rappelle que jeune, quand ma maîtresse me demandait qu'est-ce que je voulais faire plus tard, je lui disais je voulais être comme les grands de la cité. Parce que pour moi, ils avaient une vie qui était complètement en décalage avec normalement ce qu'on devait vivre. Et je crois qu'un jeune, quand il regarde un ancien comme ça, pour lui, c'est une forme de réussite. C'était quoi, Mohamed, les premiers vols, alors? Alors, moi, j'étais dans une situation un petit peu difficile où c'est que j'étais l'aîné, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mes parents se sont séparés, donc oui, il y a eu une absence paternelle. Je me suis retrouvé avec des responsabilités énormes. Ma maman qui était toute seule, mes petits frères, ma maman qui ne travaillait pas. Donc, pour répondre à votre question, la première chose que j'ai fait, oui, j'ai attaqué une banque. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 18 ans. Et j'avais énormément de détermination. J'avais peu de moyens. C'était à Joinville-le-Pont, je m'en rappelle, ouais. J'étais pas sûr de moi, c'était un travail qui a été mal fait, je laisse les cassettes vidéo, le gars m'appelle par mon prénom dans la banque, à visage découvert, je rentre pour prendre le distributeur, j'arrive pas à prendre le distributeur, la personne avec qui j'étais a paniqué un petit peu, donc les gens se trimballaient un petit peu, c'était un peu l'anarchie dans la banque. Et moi, j'étais au coffre en bas pour essayer de me faire ouvrir le coffre. Et une fois que je suis remonté, j'ai vu que tout le monde faisait un petit peu ce qu'il voulait. Donc, j'ai préféré partir précipitamment, sans ouvrir le coffre-fort. Et je me suis aperçu que le gars n'avait même pas pris l'argent du comptoir. Donc, j'ai récupéré l'argent qu'il y avait. Et puis on est sorti précipitamment. Vous êtes parti avec une grosse somme d'argent? 50 000 francs. J'avais très peur. J'avoue vraiment que j'avais très peur. Ben c'est simple, j'ai mis un an après pour braquer une banque. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent, Mohamed, de ces 50 000 francs donc, que vous êtes partagé, j'imagine, avec votre acolyte? J'en ai donné un petit peu à ma famille, j'en ai donné un peu à ma maman. Et puis après, j'ai essayé de me... Je me suis fait plaisir. Et c'est là, je pense que c'est dangereux parce que on se rend compte que... Voilà. On est payé à la seconde et on vit à la seconde. Ça donne envie de recommencer. T'as d'où le sort, celui-là? Merde. Inspecteur! Quand mon patron s'est retrouvé en prison, je me suis rendu compte que toutes les valeurs aussi auxquelles je croyais se sont écroulées. C'est-à-dire que ben, les hommes politiques, les gens qui nous dirigeaient, les grands patrons d'entreprise, ben, finalement pouvaient être aussi des voleurs et des gens qui pouvaient ne pas respecter les règles. Et j'ai eu le sentiment qu'en fait, si on voulait réussir dans la vie, il fallait faire comme eux. Il fallait prendre des chemins de travers. Et pour moi, la facilité pour moi, c'était d'utiliser ce que je savais faire, c'est-à-dire je connaissais mieux la sécurité, j'avais un port d'armes. Et donc j'ai proposé ma candidature dans une société de transport de fonds en me disant bah ils vont peut-être m'engager et je vais faire le cheval de Troie, c'est-à-dire je vais rentrer dans la société, je vais tout étudier, une fois que j'aurai bien compris le système, je choisirai le bon moment pour prendre de l'argent sans violence et disparaître avec cet argent pour pouvoir créer. Et donc j'ai commencé à étudier tout le système de sécurité jusqu'au jour où j'ai considéré qu'il y avait un bon coup, c'était un fourgon qui transportait des valeurs de nuit. Et je me suis fait engager comme convoyeur et j'ai organisé ça avec un autre convoyeur en fait. Ce qu'il me fallait un complice à l'intérieur. Donc moi j'ai commencé à lui parler tous les jours en lui disant tiens, qu'est-ce que tu ferais avec tout cet argent? Donc on avait l'équivalent de 4-5 millions d'euros dans le fourgon. Et je disais mais qu'est-ce que tu ferais toi avec autant d'argent? Puis on commence à rêver. Évidemment c'est un peu comme les gens qui jouent au loto. Hein. C'est d'abord une belle voiture, une maison. Puis on commence à discuter comme ça. Et puis jusqu'au jour je lui dis mais si on faisait. Et je dirais que j'avais mis la petite graine et qu'elle a commencé à germer. Et puis on est passé à la réalisation des choses. Après c'était comme dans un rêve. C'est quelque chose qui était presque irréel en fait. J'avais le sentiment que ce que je faisais c'était pas vraiment moi. Et donc ça s'est fait. J'ai trouvé ça assez facile en fait. Vous n'étiez que deux à l'intérieur du fourgon ? Oui, on était que deux à l'époque, on était deux à l'intérieur du fourgon et on n'a pas non seulement braqué le fourgon, on a pris aussi l'argent qui était dans la banque qu'on devait aller livrer puisqu'on avait les clés du coffre. Donc je savais qu'à l'époque il y avait pas de caméra dans certains couloirs, c'est assez facile. Et j'avais monté un scénario déjà pour ne pas être soupçonné. Ce que j'avais dit, c'est que l'autre convoyeur restait dans le fourgon et se bloquait à l'intérieur et on donnait l'alerte, ce qui permettait de lui, il était bloqué dans le fourgon donc il pouvait pas avoir commis les faits. Et moi, je me suis bloqué dans la banque. Et en fait, je me suis attaché à un radiateur après avoir volé les valeurs et j'ai jeté la clé devant la banque en fermant la porte. Ce qui voulait dire que je ne pouvais pas, ça ne pouvait pas être moi, ça ne pouvait pas être l'autre convoyeur. Donc forcément, on s'était fait braquer. Et je dirais que ça a bien fonctionné puisque on n'a même pas été interrogé, si ce n'est que sur le signalement des auteurs. Et pendant une année, j'ai vraiment pu entendre parler de cette affaire. Et donc, évidemment, je devais continuer à travailler, donc j'ai rencontré une psychologue qui a décrété que j'étais psychologiquement faible, que j'avais une commotion cérébrale, que je devais me reposer, qu'il fallait surtout plus que je travaille dans ce milieu-là. Alors, je ne touchais pas à mon argent, c'est-à-dire je l'avais enterré dans des tiperoirs et des bocaux en verre, comme on fait les cornichons, avec un joint de caoutchouc, avec des petites pastilles qu'on met dans les chaussures pour que l'humidité ne vienne pas. Et il y avait pas mal d'argent, puisqu'il y avait, on avait chacun plus ou moins 1 million d'euros. Donc, c'était quand même énormément d'argent. Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de ce premier braquage, François Troquins ? Bah, une jouissance. C'est une jouissance proche de l'orgasme. Imaginez que vous gagnez l'auto 2 millions d'euros. Ça crée une délivrance de certains problèmes immédiats. C'est-à-dire quand vous devez payer votre facture d'électricité, vous devez payer votre gaz, vous devez payer des choses essentielles de la vie, bah, vous gagnez 2 millions d'euros qui sont là, il suffit de se servir, quoi. Alors le problème, évidemment, comme je m'étais pas mal renseigné sur j'ai lu énormément de livres et je savais que le fait d'acheter des biens qui étaient visibles allait évidemment attirer l'attention. Donc je me suis pas acheté de belles voitures, je me suis pas acheté de belles montres, mais j'ai dépensé mon argent par exemple dans un beau restaurant, j'ai pu m'offrir un beau voyage et évidemment de manière très subtile et discrète pour ne pas me faire repérer. Mais ça matérialisait l'acte en fait. Je me rendais compte que oui, mais j'étais passé de pauvre à riche, quoi. Et ça c'est assez jouissif. J'avais pas de sentiment de culpabilité et ni un sentiment de peur. Est-ce que je vais me faire attraper ? Il y a une espèce d'endorphine qui se crée, une euphorie intérieure, et on est habité par ça. Et puis on a la conviction qu'on ne se fera jamais attraper, sinon on ne le ferait pas. Donc on a la conviction qu'on était plus fort que le système. Et moi je vais être vulgaire, mais on a baisé le système, quoi. Et quelque part, c'est très excitant, ça, de baiser le système, parce qu'on se dit, je l'ai fait, quoi. J'ai osé. Et puis moi j'en voulais aux banques en fait, puisque mes parents, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais avaient quand même des problèmes financiers dans leur entreprise. J'avais vu des huissiers venir saisir des choses à la maison. Et on me disait que c'était les banques qui faisaient saisir des choses, des meubles et des choses pour lesquelles j'avais beaucoup de l'affection. Donc j'en voulais aux banques. Je me disais que ces connards, il fallait leur prendre le fric là d'où ils venaient. C'était à cause d'eux qu'on vivait cette société qui était où on empêchait d'être libre en fait. Et que ces gens en fait volaient de l'argent, s'en mettaient plein la poche. Et nous on était des pauvres cons qui allaient travailler pour ces gens-là. Et donc je refusais ça. Donc c'était vraiment la conviction que je me battais contre une force occulte, des gens mauvais quoi. Plus on fait des affaires et plus on installe sa technique, on installe son style. Moi, je sais que plus je faisais des braquages, plus je faisais des vols à main armée, et plus je me professionnalisais, en vérité. Sans m'en rendre compte, ça devenait un travail, quoi, un boulot. Quoi. Jusqu'au jour où c'est que je tombe sur un directeur de banque qui m'explique qu'il y a possibilité de pouvoir vider les distributeurs à billets. Lors d'un braquage ? Lors d'un braquage, par peur, m'explique un petit peu tout le système de fonctionnement des DAB. C'est un système de sécurité, d'une porte blindée avec une temporisation qui fait un compte à rebours. Et quand on arrive à zéro, il faut être au même moment, il faut ouvrir la porte. Quand vous n'ouvrez pas la porte, la temporisation repart encore. Et donc il faut attendre entre 22 et 45 minutes à l'intérieur de la banque. Ah oui ? Ouais. Donc après, c'est tout un autre travail, on n'est plus dans le même boulot. Il faut savoir gérer les clients qui sont à l'intérieur, le personnel, attacher tout le monde, vider les distributeurs. Donc quand je braque cette banque-là, je prends une grosse somme, une très grosse somme. Je prends 600 000 francs. Et ça me donne l'envie. Et après cette banque-là, je veux que des distributeurs à billets. Dans quoi vous dépensiez votre argent ? Ben vous savez, au départ, quand j'ai commencé à faire des vols à main armée, je me suis dit, je vais le faire pour essayer de sortir ma famille de cette situation-là. On vivait dans un hôtel, il y avait des filles pas très fréquentables, des gens qui buvaient, voilà, un hôtel de débauche. Donc je contribuais, je donnais un petit peu de sous à ma maman sans qu'elle sache d'où ça venait. Et vous posez pas de questions ? Si, mais bon, je mentais, je lui disais que je jouais ou que... Mais ben, jamais je lui ai dit que je braquais des banques. Et en fin de compte, avec l'OTAN, on oublie pourquoi on a fait ces choses-là. On l'oublie. Donc oui, j'ai fait des voyages. J'étais en Thaïlande, j'étais au Brésil, j'ai fait la tournée des boîtes de nuit. En vérité, ces moments-là de ma vie, ils m'ont permis de voir, même si c'était dans la délinquance, que je pouvais être quelqu'un ou quelque chose. Et c'est un truc que j'avais jamais ressenti, jamais. Et tout cet argent-là, ben, il est parti dans des futilités, dans les voitures, dans le jeu. Il y a un moment qui disait ce proverbe arabe qui dit « L'argent du péché part dans le péché ». Et c'est vrai. L'alcool, les femmes, le jeu. Au jeu, il m'est arrivé de perdre 50 000 francs. 6 000 euros, ouais, 000 euros. En une soirée, au jeu. Au minimum, je dépensais, ouais, 50 000 francs par soirée. Ça pouvait aller jusqu'à 15 000 euros, 20 000 euros. Après, on ne voyait plus l'argent, on voyait en banque. Quand on voyait, on voulait quelque chose, on dirait, ben voilà, je vais me taper une banque, je vais m'acheter ça, je vais m'acheter ci. On s'habituait à tout. Et voilà, et tout cet argent-là, ben il part en fumée. Moi, je vais posséder ce qui me revient. Et qu'est-ce qui te revient à toi, Tony ? Le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans. Je veux t'offrir la vie de rêve. À chaque fois que j'avais fini les vols armés, il y avait une chose que je devais faire. C'est de m'acheter des fringues tout de suite après. Je sais pas pourquoi. C'est comme si qu'on faisait peau neuf. Peau neuf ? Ouais, exactement. C'est comme si qu'on rechangeait tout. Allez, on repart. Donc pour repartir, on se rachète des habits, on se rachète une voiture. L'argent comme ça, il brûle les mains. Merde, qu'est-ce qu'il faut, ce con ? Moi, je parle pas d'ici sur mon fric. Est-ce que vous aviez, avant de commettre un braquage, une manière particulière de vous habiller ou des rituels, François Trouquins ? Alors, rituel, il est venu par la technologie. C'est-à-dire que l'ADN, aujourd'hui, on est dans des micro-particules d'ADN, donc il faut absolument rien laisser. Et donc, il y avait un rituel qui était une douche, raser les poils, ne pas laisser de morceaux de peau apparents. Donc, c'est-à-dire qu'on scotchait nos vestes, nos salopettes, pour ne pas laisser la moindre particule de peau à l'air libre. Il y a aussi le transfert ADN. Quand vous mettez des gants, il faut rien toucher avant, parce que si vous prenez une bouteille d'eau et que vous l'avez touchée juste avant avec vos mains, ben, vous reprenez l'ADN qui était sur la bouteille pour le transporter sur un outil, sur une arme, sur un volant de voiture. Donc tout ça, il fallait faire très attention à ça. Parce qu'il faut savoir que la police, elle va additionner des petits détails. Une empreinte de chaussure, par exemple. Donc on prenait systématiquement des chaussures plus grandes. Si on chaussait du 44, je prenais une taille 46 qui permettait de laisser une empreinte. taille 46. On pouvait également mettre des coussins, paraître plus gros. On pouvait gonfler nos joues si on se grimait. Donc avoir vraiment on changeait son apparence. Alors c'est proche du cinéma tout ça, hein. Mais il y a vraiment on engageait des grimeurs parfois. Et c'est assez impressionnant parce que nous-mêmes on se reconnaissait pas. Donc c'était assez. Et on faisait attention à tous ces petits détails. Après brûler tous les vêtements également. Quand on utilisait des explosifs, quand vous avez tiré, vous avez des particules de poudre qui peuvent vous confondre. Donc on brûlait systématiquement nos vêtements, on ne gardait rien. Vous allez faire attention s'il y a des traceurs aussi dans les biais, ça existe. Donc systématiquement, on va acheter des brouilleurs d'ondes, on va acheter des détecteurs d'ondes, on va acheter des détecteurs de micro. On peut vous écouter partout, donc il faut vraiment faire attention partout où on parle. C'est-à-dire, quand on se donne rendez-vous, c'est dans un parc, on va aller en jogging, on va ne prendre aucun appareil qui permet de détecter, et vous allez au fin fond d'une forêt discuter. Et donc, tout ça, on ne peut le savoir qu'avec de l'expérience. Qu'est-ce que tu fous ? Quoi ? Ta bouteille. Quoi, la bouteille ? Tu l'as touchée avant de mettre tes gants. Change de gants, ton ADN est dessus. Bientôt, faudra s'habiller comme des cosmonautes pour braquer. Après, en termes de gris-gris, moi, j'avais une médaille de Saint-François d'Assise. Et cette médaille m'a été offerte quand j'étais enfant. Et puis, voilà, je la portais avec le sentiment que j'allais être protégé. Alors, ce qui est complètement débile, parce que si Dieu existe, je ne pense pas qu'il m'aurait aidé à faire un braquage. Mais j'ai connu un braqueur sicilien qui priait systématiquement avant de me commettre un braquage et qui faisait signe de croix. Donc oui, ça existe, ce genre de choses. On parle de taf et pour des thunes dont je profiterai même pas. Ils obliquent ma vie, j'en ai qu'une, je vis comme dans Koh-Lanta. 7000 euros de savoir un gosse, une meuf, une Chevrolet, trop charbonné, une ville, un vélo de ville, trop sous contrat. Se lever à 6 du mat, ensuite déposer le fiston qui lui, quand il grandira, profitera de tous mes pistons. Routine hebdomadaire, donc obligé de prendre des congés. Une vie tellement robotisée que j'ai déjà dans quoi dépenser. C'est crédit immobilier, Minerval, l'université, collier de perles des Champs-Élysées pour nos 10 ans de mariage sous deux nanana. Je peux pas de ça. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois vous repartiez à l'assaut des banques? Ben parce qu'on avait tout dépensé. Il fallait recommencer. Ben vous savez, quand vous n'avez rien en plus, c'est vrai que l'argent moulé, ça ne profite pas, quoi. Moi, je me souviens, j'invitais beaucoup des amis au restaurant. C'est vrai. Hein, c'est pas que pour nous, l'argent. Au total, vous avez réalisé combien de braquages? Je pense qu'on est à 5. 5, oui. 5 banques. Oui, ben, c'est là où il y a les sous. Hein. Mais vous savez, il y a un directeur de banque à Comont qu'on avait fait, d'ailleurs on l'a fait deux fois celle-là. Il avait dit dans un article, tes filles, on leur a donné le bon Dieu sans confession. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a jamais fait de mal à personne. On n'a jamais blessé personne, on n'a jamais tiré, eu à tirer, on n'a jamais... C'est comme on m'a dit un gendarme il y a pas longtemps, c'est propre, chapeau. On criait pas, hein, on parlait normalement, gentiment. Qu'est-ce que vous disiez? Que personne ne bouge, hein, c'est un dope, c'est un braquage, vous ouvrez les caisses s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, on vous fera pas de mal, on veut juste l'argent. Il m'est arrivé dans les débuts quand je braquais, il m'est arrivé d'aller avec des armes factices. Mais on évolue et puis on laisse les armes factices de côté et puis on prend des vraies armes. Mais il était très important pour moi de ne jamais être violent avec les gens qui étaient à l'intérieur de cette banque-là. Quand je rentrais dans les banques, je leur expliquais bien que j'étais là que pour l'argent. Et puis j'avais trouvé une petite phrase pour détendre l'atmosphère qui était justement « haut les mains, peau de lapin ». Pour leur dire que d'essayer de mettre un brin d'humour et qu'ils ne se sentent pas une tension. C'était histoire de les détendre, quoi. Et comment vous sélectionniez les banques, Mohamed? Je feuilletais les pages jaunes. Je notais toutes les crédits mutuels. Dans un rayon de 20-30 km d'où j'étais. Et je les matais toutes. Ça veut dire quoi, je les matais toutes? Les mater, c'est aller les regarder. Où c'est que se situe le commissariat, s'il doit débarquer, l'emplacement de la banque, le personnel, c'est un travail, hein, aussi. De toute façon, je mettais toujours une semaine de chouffe, une semaine à mater, et je tapais la semaine d'après. Donc j'avais toute une semaine pour prendre tous les renseignements nécessaires de qui rentre, qui sort, qui attend qui. Comme moi, je restais 25 minutes à l'intérieur, minimum, je restais 25 minutes à l'intérieur. Donc il fallait que je sache qui vient attendre qui. S'il y avait une employée et son mari qui venait la chercher et qui ne la voyait pas sortir, il aurait trouvé ça un petit peu. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Parce que je savais que la priorité pour moi, c'était l'enquillade. L'enquillade, c'est quand on rentre à l'intérieur, ne pas se faire remarquer. Et une fois qu'on sait que j'étais à l'intérieur, c'est... j'avais la sensation, l'impression d'être comme à la maison, quoi. Je fermais tout ce qu'il y avait à fermer et puis je savais que je ne serais pas dérangé. J'avais un mode opératoire qui était de rentrer... 5-10 minutes avant la fermeture de la banque, et je la fermais, moi, complètement, pour pouvoir tout vider. En fin d'après-midi ? Oui, en fin d'après-midi. Ou à l'heure du déjeuner ? Ou à l'heure du déjeuner. Et je savais que s'il y avait une personne qui venait et qui trouvait la banque fermée, ben, il serait dit simplement que sa montre retarde de 5 minutes. Donc, toutes ces choses-là, je les ai apprises en tapant. Plus je tapais et plus je comprenais qu'il fallait que j'agisse comme ça, de cette façon-là, et voilà. Et ça a amené à tout ça. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus ou que j'ai entendus qui parlaient d'une adrénaline. Moi, j'avais pas d'adrénaline. Moi, si je veux de l'adrénaline, je vais à la Foire du Trône. Je fais un tour de manège, je vais avoir de l'adrénaline, ça, il n'y a pas de souci. C'était pas l'adrénaline, moi, c'était l'argent. Parce que souvent, j'allais dans le distributeur et c'est moi qui ouvrais le distributeur à billets. Donc, je voyais, moi, les billets. Et l'état d'esprit, il était de vite qu'on sorte de là et vite qu'on aille le dépenser. C'est con de dire ça, mais ouais, vite qu'on aille profiter de la vie, vite qu'on aille croquer la pomme. Jusqu'au coup de trop ? Jusqu'au coup de trop. Le coup, c'est que je fais une erreur. Je prends pas des cassettes vidéo parce qu'habituellement je prenais tout, comme je restais 20 minutes à l'intérieur. C'est-à-dire que vous étiez filmé, c'est ça ? Il y a des caméras. Voilà. Je laissais jamais les bandes vidéo, ils n'avaient pas mon visage. Et un jour j'ai laissé une cassette. Et même si j'étais un petit peu postiché avec des casquettes, des lunettes, mais bon, quelqu'un qui me connaît, il saurait me reconnaître. Ils avaient ma description. Et voilà, j'ai fait cette erreur-là de ne pas m'écouter pendant 2 secondes parce que ça va vite. Hein. Donc oui, j'ai fait une erreur de laisser cette cassette vidéo et ça m'a coûté 10 ans. 2 secondes d'égarement, 10 ans de prison. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Et tout va changer. D'une manière ou d'une autre. En fait, on essaie toujours de faire le casse du siècle. Et avec ce casse-là, je vais pouvoir arrêter. Alors, c'est chacun met une somme. Hein. C'est, voilà, si je prends 20 millions d'euros ou 15 millions d'euros, j'ai assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin de ma vie et vivre confortablement. Et souvent, le rêve est assez enfantin. C'est une maison avec une piscine dans un pays sympa, qui peut être le Venezuela ou l'Espagne, pour certains. Et donc, c'est un rêve qui est très enfantin parce qu'en fait, on croit que le bonheur va être réalisé à travers ça. Au bout d'un mois ou deux, on s'ennuie très vite et il faut que la vie devienne, qu'elle ait un sens. Donc c'est vivre de vacances en fait qu'on cherche. Et ça n'arrive jamais. Parce que pour pouvoir réaliser ce casse du siècle, bah, il faut de l'argent. Parce qu'il faut d'abord, il faut financer ce genre de casse. Si vous voulez braquer un centre fort, donc c'est un centre où tous les fourgons vont se réunir pour trier l'argent ou la Banque de France par exemple. Bah, vous imaginez que pour braquer la Banque de France, il faudra énormément de moyens. Il faudra faire un tunnel, piquer un hélicoptère, utiliser des explosifs, avoir plusieurs voitures de fuite, avoir des planques, etc. Donc ça demande des moyens de préparation. Et donc, ça coûte de l'argent. Donc on braque souvent à un petit fourgon en se disant, bah, ce fourgon-là va nous permettre de financer le gros coup. Et souvent, bah, la police, elle ne reste pas inactive. Donc elle est sur votre trace. Donc souvent, bah, vous avez financé des planques, vous avez financé un réseau. Et en fait, bah, y en a un qui se fait arrêter et vous devez tout recommencer. Et très peu arrivent à faire le casse du siècle. Et souvent, quand ils y arrivent, ils se font arrêter. Déshabillez-vous. Combien de temps ça a duré la prison pour vous, François Trouquin ? Alors en total, j'ai fait 10 ans. Mais de manière espacée, puisque j'ai d'abord fait 2 ans. Et puis j'étais libéré pour le premier casse que j'avais fait, donc ce qui était un vol domestique. J'étais condamné à 4 ans, j'en ai fait 2, j'ai fait la moitié de peine. Et là, je passe d'abord 7 jours dans une cellule nue. Les seuls bruits, ce sont des musiques agressives ou des cris. Et donc, j'ai l'impression d'être plongé sous terre dans un enfer. Et après 7 jours, je me trouve dans une cour de promenade avec des gangsters. qui était similaire à ce qu'on peut voir dans un film des années 70. Donc des bons polars, des Gabin, des Alain Delon, des gars qui avaient, par mimétisme, ressemblaient à ces acteurs, et peut-être que ces acteurs les mimaient aussi. Donc quelque part, il y avait un jeu entre les deux. J'ai trouvé ça très romanesque, en fait, de me retrouver dans cette cour de promenade avec des gros voyous qui avaient vraiment des gueules, qui étaient des cadors, et qui avaient du panache. Mais c'était intéressant de me retrouver dans cette cour de promenade et de rencontrer ces personnalités-là. Et qui m'ont fasciné parce qu'elles m'ont tout de suite tendu la main. Pourquoi ? Parce que je venais d'un univers plutôt instruit, j'étais pas drogué, je faisais du sport, j'avais une bonne condition physique, et en plus j'avais une connaissance de tous les systèmes de sécurité, c'est-à-dire en transport de fonds. Et donc, en prison, je rencontre de la main-d'œuvre, je rencontre des gens qui sont capables de monter des coups. Et par exemple, quelqu'un qui s'est volé des voitures, quelqu'un qui peut m'obtenir des armes, quelqu'un qui peut m'obtenir des explosifs. Et mon but, ça va être monter des scénarios. Et donc, après avoir été libéré, donc, j'ai commencé à monter une équipe. Et au bout d'une année et demie, je me fais arrêter et accusé d'une attaque de fourgon. Et là, c'est l'enchaînement des problèmes. C'est-à-dire que je suis accusé pour une attaque que je n'ai pas commise. Mais comme je braque des fourgons, c'est difficile de m'expliquer. C'est-à-dire que si on trouve des armes dans mon garage, si on sait que j'ai des contacts avec des gens du milieu, bah pourquoi ? Donc je suis pas un pauvre innocent qui vient chercher. Je suis un braqueur de fourgons, mais j'ai pas braqué celui pour lequel on m'accuse. Et la seule possibilité pour moi de me défendre, c'est de m'évader. Et donc je m'évade, et je me mets en cavale. Et en cavale, qu'est-ce que je fais pour pouvoir survivre ? Bah je monte une équipe, et je braque des fourgons. Et là, on rentre dans une autre spirale. C'est-à-dire qu'au début, c'était... excitant parce que j'avais le sentiment d'être un révolutionnaire de gauche et que j'allais chercher de l'argent chez les riches, alors que j'étais pas du tout un Robin des Bois parce que je ne redistribuais pas cet argent. Et ça, j'ai pris conscience aussi qu'à un moment donné, j'étais simplement un égoïste, quelqu'un qui voulait jouir du système sans passer par la case travail, qui voulait tout de suite court-circuiter tous les problèmes en disant je vais prendre de l'argent et je vais en jouir, quoi. Et là, je me trouvais dans un système, donc en cavale, c'était plus braquer pour pouvoir changer ma vie, c'est braquer pour survivre. C'est braqué pour pouvoir me cacher, c'est braqué pour échapper à la prison. Ils arrivent de Béziers. Je les ai trouvés à Martigues. Ils cherchaient une planque. Pour ? Braquage. Du grabuge ? Un peu. Installez. Parce que la cavale, ça coûte cher. Tout est payé cash. Vous devez utiliser des prête-noms, vous devez utiliser des gens pour blanchir l'argent, des gens pour vous aider aussi. Moi, j'ai donné énormément d'argent à des gens qui cherchaient, par exemple, à se loger. Donc, en fait, je leur disais, je te donne l'argent, t'achètes un appartement et tu me prends une chambre de bonne. Et quand je veux venir là, tu me la mets à disposition. Tu me mets à disposition. Et donc, ça permettait de me cacher, mais en même temps, ça coûtait très cher pour la chambre de bonne. Hein. Il y a très peu de gens qui arrivent à réaliser ce casse et à arrêter. Sauf s'ils ont changé de vie. C'est ce qui vous est arrivé, vous, François Troquin. C'est à un moment donné où il y a eu un déclic qui a fait que vous avez décidé de changer de vie. Je me fais arrêter en 2004 et je me retrouve à la prison de la santé. Et là, j'ai trois choix. C'est le suicide, l'évasion. Mais comme j'ai un enfant, je me dis que je ne verrai plus jamais mon fils. Ou accepter. Et comment on accepte de faire autant d'années de prison ? À une condition, c'est que les jours perdus soient des jours de gagner. Donc, j'ai terminé mes études de réalisateur. J'ai fait une licence en lettres. Et puis, je me suis battu vraiment avec un objectif, c'était je vais écrire un long métrage, je vais le réaliser. Mais le diable marche avec nous. Ah putain, ça va me manquer. Non, moi aussi. Hélène te suivra pas. On verra. Si tu changes d'avis. Non, c'est décidé, j'arrête. Avec tout ce pognon, je vais pouvoir voir venir. Moi, je vais faire chier sans toi. Attends qu'elle vienne me voir. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Hélène ? Je m'occupe de personnes handicapées, je fais des ménages. Je vivote, quoi. Comme je dis, je ne me plains pas de ma vie, c'est celle que j'ai choisie, c'est mes choix qui m'ont emmené là où je suis, quoi. Mais c'est pas évident tout le temps. Vous savez, quand vous avez des enfants qui sont là, vous demandez un truc, vous refusez toujours parce que vous pouvez pas, et de toujours dire non, ça fait mal, quoi. Parce que c'est des gosses, ils ont leurs rêves, ils comprennent pas pourquoi. Il n'y a rien de plus terrible que d'être un parent qui sert à rien, quoi. Et ça nous pousse à faire beaucoup de choses. Cathy. Aujourd'hui, je suis bénéficiaire du RSA, j'ai 700 euros par mois, et une fois que j'ai payé mon loyer et mes charges, je veux dire, je peux rien offrir à mes enfants. Et je vais pas vous mentir que des fois, ça me traverse l'esprit, même en rigolant avec Hélène autour d'un café, on se dit, si je continue à être dans cette merde, j'ai pas un coup à faire là, je vais faire un truc, quoi. Mais le seul truc qui me retient, c'est surtout mes enfants, parce que de l'autre côté, j'ai peur que ça marche pas, et j'ai pas envie que mes enfants viennent me voir en prison. Écarte les bras ! Écarte les bras ! Tourne-toi ! Tourne-toi ! À genoux ! Au terme de ces 10 années de prison, Mohamed Jadawaji, oui. Bouge-toi ! Vous en êtes sorti dans quel état d'esprit, dans quel état ? Difficilement, difficilement. Vous savez, beaucoup de gens pensent que c'est la prison le plus difficile. C'est la punition, c'est la prison. Non, la punition, c'est pas la prison. La prison, c'est une parenthèse. L'après-prison est beaucoup plus destructeur que la prison en elle-même. Parce que quand vous sortez de prison, vous savez, tout est beau. Vous avez recouvert la liberté, donc c'est beau. Ah, mais c'est beau 6 mois. Au bout de 6 mois, même tes amis te disent « Bon, ça y est, hein, t'es sorti. Hein. » Donc quand ils te disent « Ça y est, t'es sorti, il est temps de retourner au charbon. » Retourner au charbon, ça voulait dire rebraquer. Rebraquer. Et c'est là où c'est que tu dois bien réfléchir. Tu te dis « Comment je fais ? J'y retourne ? J'y retourne ? Ouais, d'accord, j'y retourne. Mais si ça se passe mal, comment on fait ?» Je ne savais faire que ça. Et j'avais pris goût à ça. Et la seule chose qui m'aidait à tenir, qui m'enfonçait et qu'à cette époque-là je pensais qu'il m'aidait à tenir, c'était l'alcool. Et je me suis noyé, je me suis perdu, je me suis détruit, je me suis complètement abandonné. Je buvais parce que je savais pas où j'allais et je buvais pour pas y retourner non plus. Pour vous assommer ? Ouais, pour m'assommer. Je tombais gravement malade et du jour au lendemain, comme ça, j'ai eu un déclic, j'étais à l'hôpital. Et j'ai parlé avec un médecin qui m'a expliqué que si je continuais à cette allure-là, la prochaine fois, il risquerait de parler avec une boîte. Et à ce moment-là, quand il m'explique ça, il y a ma maman qui est à côté et qui a les larmes aux yeux. Donc j'écoute même plus ce qu'il me dit le médecin. Je vois juste la douleur de ma mère. Et puis cette douleur-là, elle m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je change des choses. La sérénité, elle n'a pas de prix. Parce qu'auparavant, on est des braqueurs, on a de l'argent, on a tout ce que vous voulez, mais on n'a pas de sérénité. Et voilà, et maintenant j'essaie de donner mon temps à des associations pour jeunes délinquants et puis surtout les personnes âgées, parce que j'ai fait une rencontre aussi avec une dame dans ma reconstruction, une mamie qui m'a aidé à voir que je pouvais être un être humain aussi, quoi. Donc j'essaie de rendre un petit peu à la société, même si c'est une goutte d'eau, mais j'essaie de me rendre utile, quoi. Yeah. Encore une dernière fois. Encore une dernière fois. Encore une dernière fois. L'argent et le pouvoir l'assumer sans vouloir plonger dans un trou noir. Yeah. La cagoule, la meuhard, la joie et les dollars, la tristesse, les visites au placard. Merci à François Troukens, Hélène, Cathy et Mohamed Jadawaji. Une baraque à payer, ma femme dans le foyer, une folie naturelle est censée. Pour moi c'était du passé, les démons à ma porte sont revenus toquer. J'ai ouvert sans parler un verre de cognac et ils se sont installés. Avec des extraits de Un flic de Jean-Pierre Melville, Le temps d'un vol de Lett Asger, Scarface de Brian De Palma, Borsalino de Jacques Deray, Tueur de François Troukens et de la chanson Au voleur de Charles Aznavour. Encore une dernière fois. Prise de son Jean-Michel Bernaud et Olivia Branger, mixage Alain Joubert, recherche INA Marie Chauveau, c'était Braqueur, braqueuse, personne ne bouge, un documentaire de Jérôme Sandelars réalisé par Anna Smuk. LSD pour aujourd'hui c'est terminé, bibliographie, lien ou pour nous réécouter à la banque c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, Alexandre Marius-Jacob, anarchiste cambrioleur.